J'ai vécu, j'ai voyagé sur une sphère. J'ai marché, je suis né et j'ai baisé. J'ai reproduit ce que je voyais. J'ai commencé à parler, à la maternelle, commencé à m'isoler. Oh, oh. En grandissant au primaire, je me suis dit, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je voyais le monde changer. Aussi vite, aussi vite, aussi vite.